بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. On avait terminé la dernière fois, on avait lu la dernière partie, on n'avait pas expliqué à propos de la classification du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors on avait expliqué certains points, mais on n'avait pas expliqué la dernière partie. Mais en résumé, qu'est-ce qu'il dit, c'est que en ce qui concerne les positions des savants, avant ça il avait dit qu'on ne doit pas glorifier les gens, tu vois. Il y a beaucoup de hadiths dans la sunna qui nous expliquent qu'on ne doit pas glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de son degré, comme celui qui dit ne me glorifiez pas comme les chrétiens ont glorifié Jésus le fils de Marie, je ne suis qu'un serviteur d'Allah. Alors dites Abdullah ou bien Rasul ou bien son messager. Et aussi il y a un autre hadith qui est rapporté qui dit إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ. C'est un hadith qui n'est pas authentique, mais sa signification est authentique. Yani qu'on ne doit pas demander le secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de glorifier les gens en face d'eux, en leur présence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté là-dessus. Il a dit par exemple à quelqu'un qui avait glorifié une autre personne devant lui, il a dit « Malheur à toi, tu as coupé le cou de ton frère. » Yani quand tu l'as glorifié trop devant lui, tu as coupé le cou de ton frère. Yani. Et donc il ne faut pas glorifier quelqu'un, parce que quelqu'un pourrait prendre ça, puis ça pourrait lui monter à la tête, et il pourrait s'égarer à cause de ça, ou se sentir fier, ou d'autres choses comme ça. Bien entendu, encourager quelqu'un pour un bien qu'il a fait, ça c'est pas mal. Mais quand tu glorifies quelqu'un de façon exagérée, bien entendu, c'est mal. Un autre hadith dans lequel il dit, si vous rencontrez les gens qui glorifient les autres, alors, d'une façon exagérée, alors lancez-leur de la poussière pour les faire arrêter. ذلك لما يخاف على المادح من الغلو وعلى الممدوح من الإعجاب. يعني c'est parce qu'on craint pour la personne qui glorifie d'exagérer, et on craint pour la personne qui glorifie de se penser bonne ou de devenir fière. Et ces deux choses-là ont un effet sur la croyance. Et après, il dit, est-ce que c'est permis de dire à quelqu'un qui est une créature de l'appeler Sayyid, de l'appeler comme maître ou quelque chose de ce genre-là? Donc, Qayyim l'a dit, les savants ont différentes opinions sur ce point-là. Est-ce que c'est permis de dire à quelqu'un Sayyid ou non? Alors, lui, certains savants l'ont interdit. Et ça a été rapporté selon l'imam Malik. Malik ibn Anas, il a interdit que les gens disent à propos d'une créature Sayyid. Et ils se sont basés sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, dans lequel les gens ont dit au prophète, viens Sayyiduna. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sayyidullah. Ils ont dit au prophète, ô maître, ô notre maître, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le maître c'est Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres savants l'ont permis. D'autres savants ont permis de dire à un humain, Sayyid, et ils se sont basés sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit au Ansar, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au Ansar, Qumu ila sayyidikum, donc levez-vous pour votre maître ou pour votre chef, yani. Parce que je pense que c'était, comment ça s'appelle, Ubadah, ou quelque chose comme ça. C'était lui le chef de la tribu des Ansar. Alors, les Ansar, alors, lorsqu'il est venu, il a dit, c'est comme ça, il a dit, levez-vous pour votre maître. Et donc, ils se sont basés sur ce hadith-là pour dire que c'est permis. Et, donc, il nous dit, ça, c'est un hadith plus authentique que le premier. Et après, on reprend le chariah. en ce qui concerne en ce qui concerne le fait que vous prenez la parole des Ansar, la parole du prophète aux Ansar pour vous permettre de dire ça dans le hadith, levez-vous pour votre chair. Alors, il dit, c'est clair que le prophète ne faisait pas ça en face de Sa'd. Alors, dans ce point-là, il y a des explications, des détails qu'on doit analyser. Donc, ça veut dire que lorsque le prophète a dit au Ansar, levez-vous devant votre chef ou devant votre Sayyid, il ne disait pas au visage de Sa'd, il disait ça au Ansar. Donc, le chef il dit, c'est comme si, en fait, les détails desquels il parle, c'est-à-dire que c'est permis de t'appeler quelqu'un Sayyid quand on ne lui dit pas dans son visage, mais si, ou dans le but de le glorifier. Mais si on le dit dans le sens d'une description qui le mérite, c'est-à-dire si dans le cas de Sa'd, par exemple, c'était réellement le chef des Ansar, donc ça reste dépend seulement pour le glorifier, c'est une caractéristique ou une description qui était réelle dans son cas, donc dans ce cas-là c'était permis et il était absent. Donc, dans ce cas-là, c'est permis. Donc, c'est comme ça qu'ils ont essayé de rassembler entre les phases pour essayer de trouver la position correcte. Donc, ça, ça y est pour ce point-là. Ensuite, le chef explique l'exercice. Non, vas-y. Quand je suis au Maroc, il y a des gens après avoir tenu la prière, ils font le droit parce que. Et puis là, la deuxième partie de Tachahoud, alors moi, c'est bien Mohamed. Comment est-ce qu'il y a la suite de Mohamed? Est-ce que c'est permis ou bien c'est pas permis de le faire? Allez, ça, c'est une question. J'ai lu là-dessus, mais je ne me souviens plus. Donc, Tachahoud, c'est bien Mohamed. Ouais, c'est ça, j'ai lu là-dessus dans le livre de Cheikh Al-Albani, dans C'est pas ça la Tonnabi, pour voir ça là. Je pense qu'il y avait des détails là-dessus, à ce sujet-là, puis aussi dans le livre d'Ibn Qayyim. Ibn Qayyim a écrit un livre à propos de Salat al-Nabi, mais je ne me souviens plus des détails, mais il me semble que ça expliquait que certains avaient rajouté Sayyidina, des choses comme ça, puis que ça ne faisait pas partie des narrations qui sont authentiques. Mais pour être plus certain, comme je vais vérifier ça, puis la semaine prochaine, je vais confirmer ou bien regarder là-dessus, Inch'Allah, pour être plus sûr. Juste sur l'entendre parler là, des mecs qui étaient là, même dans le village de Salah, par exemple, qui est un chef d'autre. Un chef d'autre, oui, dans ce cas-là, oui, mais si tu dis ça à ton patron, ou des choses comme ça, mais c'est pas dans le but de le glorifier, c'est parce que c'est réellement ton patron, mais si tu vois quelqu'un d'ordinaire, tu le glorifieras, mais. Je vais te dire, إذا كان الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم ممنوعا فالغلو في حق غيره من الصالحين من باب أولى والمراد بالغلو في الصالحين رفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إلى ما لا يجوز إلا لله من الاستغاثة بهم في الشدائد والطواف بقبورهم والتبرك بتربتهم وذبح القرابين لأضرحتهم وطلب المدد منهم وقد أدخل الشيطان الشرك على قول نوح من باب الغلو في الصالحين فيجب الحذر من ذلك وإن كان القصد حسنا. Donc le chef dit, si l'exagération au sujet du prophète dans la glorification est interdite, alors tous ceux qui sont après lui, et bien c'est encore plus dangereux et encore plus interdit de les glorifier de façon exagérée. Après il dit, et qu'est-ce qu'on veut dire par l'exagération envers les personnes vertueuses ou les personnes pieuses, ou qui sont vertueuses, bien, qui sont plus pratiquantes dans l'islam, ou qui ont fait des plus grandes choses dans l'islam. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par l'exagération envers eux? C'est de les élever à un niveau plus haut que Allah subhanahu wa ta'ala les a mis. Et c'est-à-dire de leur donner une position qui n'est pas permis de donner sauf à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il donne l'exemple, par exemple, des gens qui demandent leur secours dans les grands malheurs, lorsqu'il y a une catastrophe ou quelque chose. Au lieu de chercher le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils cherchent le secours des gens qui sont enterrés dans les tombes, qui ont été des gens vertueux, et qui font des prières autour de leur tombeau, et qui prennent la terre de leur tombe pour comme une source de bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Par exemple, même j'ai entendu une fois le chef qui expliquait que lorsqu'il faisait le nettoyage de la chambre de Aïcha, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré à Al-Madina, les gens qui nettoient ramassent de la terre, de la poussière, et ils les mettent dans des petits pots, et puis ils les vendent. Il y a des gens qui les vendent. Et ils font ça aussi dans beaucoup de lieux comme ça où il y a des gens qui ont été enterrés, qui sont des gens vertueux ou saints. Ils ramassent un peu de leur terre et ils les mettent dans des pots ou dans des choses comme ça, et puis ils les portent ou ils les mettent dans l'eau ou ils font des choses comme ça pour avoir une bénédiction et aller sur cette terre, avec la terre. Donc ils donnent ça comme un exemple. Après, il dit, et de sacrifier des offrandes, de donner des offrandes à leur, aux endroits où ces saints-là ont été enterrés, ou de leur demander de l'aide, du secours, ou quoi que ce soit comme ça. Donc, le chef dit, le shaytan a fait entrer le shirk dans le peuple de Noé de cette manière, c'est-à-dire dans l'exagération au sujet des personnes vertueuses, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce sujet, et même si on a une bonne intention, il ne faut pas laisser cette bonne intention-là nous pousser à tomber dans l'erreur. أخي الشيخ يقول وقد وقع في هذه الأمة مثل ما وقع لقوم نوح لما أظهر الشيطان لكثير من المفتونين الغلو والبدع في طالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما أوقع به قوم نوح فما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف على القبور على قبور الصالحين يعد محبة لهم وأن الدعاء عند قبورهم يستجاب ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء والتوسل بها فإذا ألفوا ذلك نقلهم منه إلى دعاء المقبورين وعبادتهم وسؤالهم الشفاعة من دون الله عز وجل فتصبح قبورهم أوثانا وتعلق عليها القناديل وتسدل عليها السطور ويطاف بها وتستلم وتقبل فإذا ألفوا ذلك نقلهم إلى أن يدعو الناس إلى عبادة هذه القبور واتخاذها أعيادا ومناسك فإذا ألفوا ذلك تقرر عندهم ونقلهم إلى اعتقاد أن من نهى عنه فقد تنفس الأولياء وأبغضهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر لهم وقد ترى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير من ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم فعلوا ذلك كله تحت خطار حب الصالحين وتعظيمهم وقد كذبوا في ذلك لأن محبة الصالحين على الحقيقة تكون على وفق الكتاب والسنة وذلك لمعرفة فضلهم والاقتداء بهم في الأعمال الصالحة من غير إفراط ولا تفريط يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Donc dans ce passage, le chef il a fait un résumé de l'état des gens qui adorent le tombeau, qu'est-ce qui se passe, il a dit comment le shaitan les amène à étape par étape, il les amène dans l'égarement. Il dit, de la même façon que le shaitan a fait tomber le truc de Noé dans le shirk, et bien c'est ce qu'il fait aussi avec les gens qui ont été tentés par l'exagération, ou qui sont tombés dans l'exagération et les bid'ahs envers les personnes vertueuses et les personnes saintes, et qui sont opérées. Alors il dit, il a fait, il a transformé la bid'ah, il a fait paraître comme si c'était dans l'exemple de l'amour et du respect, de l'exaltation des personnes qui sont vertueuses, pour les faire tomber dans le même péché que le peuple de Noé. Alors le shaitan, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait voir aux gens qui adorent les tombeaux que de construire des ombres ou des choses sur leurs tombeaux et de se tenir à l'endroit de ces tombeaux-là où il y a les gens saints ou les gens vertueux qui sont enterrés, c'est une façon de démontrer son affection, son amour pour ces gens. Et que l'invocation en ces lieux-là est répondue, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala exauce l'invocation qui est faite à ces endroits-là. Et après, le shaitan les a fait passer de ce niveau-là et il les a mis au niveau de croire que on doit leur diriger des invocations et les prendre comme intermédiaires et intercesseurs. Alors lorsqu'ils ont fait ça, il leur a fait croire que c'est correct de les adorer et de leur demander l'intercession. Après, il leur a fait prendre les tombeaux comme des idoles. Et il leur a fait mettre des chandelles sur ces tombeaux et mettre des couvertures par-dessus. Comme on met sur la Kaaba à Mecca, à la Mecque, on pose on met un drap noir ou une couverture noire sur la Kaaba, et eux, ils font ça avec les tombeaux. Ils mettent un drap noir sur les tombeaux, la même chose que la Kaaba, comme si la Kaaba était, comme si la tombe était respectée de cette façon-là, comme la Kaaba. Peut-être même que certains musulmans croient que les gens sont enterrés dans la Kaaba à Mecca, alors que pas du tout, c'est une maison que Ibrahim et Ismaïl, ils ont construit pour l'adoration d'Allah. C'est une mosquée. C'est pas une tombe. Il n'y a personne qui est enterré à Mecca dans la Kaaba. Donc ceux qui pensent ça, donc, peut-être ils ont fait une sorte de relation entre les deux, alors qu'il n'y a aucun lien. Comme j'avais expliqué déjà une fois, c'est que le tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas enterré dans la mosquée, il était enterré dans la maison d'Aïcha. Okay. Et la maison d'Aïcha, elle était à l'est de la mosquée. Et puis, des siècles plus tard, des musulmans ont fait un agrandissement de la mosquée et ils ont inclut la maison d'Aïcha dans la mosquée. D'accord, mais à l'origine, c'était pas comme ça. Bon, c'est qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui en avant dans la mosquée, dans le côté sud-est de la mosquée, en avant, et bien ça c'est la maison d'Aïcha. Okay. Non, donc c'est ça. Est-ce qu'ils ont construit un tombeau? Non, c'est le tombeau, il est à l'intérieur. Okay. On ne peut pas le voir de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur? C'est le mur de la maison d'Aïcha. On ne voit pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ont mis une grille dans l'autre côté, dans l'autre face. C'est-à-dire, dans la face nord, si tu vois, dans la face sud-est. Si tu vois pas, si tu viens par le sud, oui. Tu regardes, tu vois, il y a un grillage. Okay. D'accord. Puis là, ils ont mis une grille, puis tu peux voir à l'intérieur, mais bien entendu, il y a des gens qui sont là pour faire en sorte qu'il n'y a personne qui va s'arrêter pour toucher ou commencer à faire des actes de bid'a ou de shirk à cet endroit-là. Parce qu'il y a des musulmans, qu'est-ce qu'ils font quand ils font le dua? Ils vont devant la tombe du prophète, devant la maison d'Aïcha, et ils se dirigent en direction du tombeau et prennent le dos à la qibla. Et ils lèvent leurs mains et ils font du dua. Et ça, c'est comme faire à la sunna. Parce que le dua, la qibla pour le dua, c'est la Kaaba, c'est pas la tombe. C'est pour ça que, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on va, elle va dire à la mort, si on fait un dua, même si il y a la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit pas se tourner vers le tombeau, on doit se tourner vers la qibla. Et on voit souvent, par exemple, si vous faites la prière là-bas, comme l'Asr, Zohor, ou n'importe quelle autre prière, et vous allez voir qu'il y a des, certains musulmans qui font après le taslim, et quand ils se lèvent, avant de partir, ils se dirigent, par exemple, s'ils sont du côté ouest, et bien ils vont se diriger, ils vont se tourner un peu vers l'est, et là ils vont faire face à la tombe, et ils vont faire le son du dua. Et ça, c'est comme un autre exemple de bid'a. Et qui peut aller même au chef parce que c'est une série de gens vers le professeur sur le passé. Bien entendu, c'est bien. Donc, bien entendu, il y en a qui essaient de se baser sur qu'est-ce qui s'est passé à Al-Madina, pour essayer de justifier qu'est-ce qu'ils ont fait dans différents pays avec le tombeau de certains autres personnages qui sont bien connus ou qui sont vraiment. Qui ont été des grands musulmans, alors qu'ils essaient de se baser sur ça. Alors qu'en fait, c'était une erreur déjà qu'est-ce qui s'est passé à Al-Madina al-Munawwara, donc c'est aussi, c'est pas une référence. Ce qu'on doit se référer, c'est aux actions des Sahaba, et qu'est-ce que les Sahaba ont fait. Et les Sahaba, ils n'ont pas enterré le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée. Donc c'est la base de ça. On ne doit pas enterrer personne dans une mosquée. Donc le chef, il continue, je continue qu'est-ce qu'il explique. Il explique que le chef parle comment il les a éloignés à un point où à un moment donné ils ont commencé à fonder, à faire des sortes de rituels autour de ces tombeaux. Après il les a fait passer au niveau de croire que toute personne qui interdit aux musulmans de faire ça, eh bien, ils ont détesté les personnes vertueuses. Comme si ceux qui disent aux musulmans ne faites pas ces choses-là sont des ennemis des saints ou sont des ennemis des personnes qui sont pieux. Et ça, c'est comment le shaitan les a trompés à voir le bien comme si c'était mal et voir le mal comme si c'était bien. Ils considèrent que ceux qui interdisent les musulmans de faire ça n'ont pas de respect pour les gens vertueux ou pour les personnages, les seuls personnages. Alors que c'est faux. Et après, il dit, beaucoup de ces ignorants sont arrivés à prendre, il dit même que parmi eux, il y en a qui se considèrent comme étant des savants et des gens de religion, des gens qui sont reconnus par les autres comme étant des gens religieux et qui détestent les gens qui appellent au tawhid, à l'unicité d'Allah, dans l'adoration. Et qui les insulte, qui les accuse de toutes sortes d'accusations, et qui essaie de faire fuir les gens de les écouter. Et le chef ici, parce qu'en réalité, l'amour des personnages pieux ou des gens vertueux, en réalité, elle doit être en accord avec le Coran et la Sunna. Donc, le chef ici, et comment ça doit s'exprimer? Ça doit s'exprimer en reconnaissant leur bienfait, c'est-à-dire le bien de ces personnages, de ces personnes qui ont fait du bien, il faut reconnaître le bien qu'ils ont fait et de les suivre dans leurs bonnes actions. C'est comme ça qu'on doit démontrer qu'on les aime. C'est pas en les prenant eux comme des intercesseurs ou pour les adorer en dehors d'Allah. Sans exagérer, ni en trop, ni en moins. Ni on n'exagère pas. En ajoutant ni en enlevant ni en l'autre. Et le chef dit le verset dans le Coran qui décrit les croyants comme disant ô notre Seigneur, pardonne-nous, c'est-à-dire ô Allah, pardonne-nous, et pardonne à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans nos cœurs une rancune pour ceux qui ont cru. Alors, ô Allah, ô notre Seigneur, c'est quoi le miséricordieux, Yannick. Bravo, Charles. indulgent et miséricordieux. Après, le chef il mentionne l'autre citation de Ibn Taymiyyah, dans laquelle il donne des exemples aussi sur ce sujet. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوع من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي أو يا سيدي فلان انصرني أو أعذبني أو ارزقني أو أنا في حقك ونحو ذلك من الأقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إلها آخر والذين يدعون مع الله إلها آخر مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث الله سبحانه برسله تنهى أن يدعى أحد من دونه ولا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة انتهى كلام الشيخ رحمه الله. Donc qu'est-ce que le chef de l'Ontario a dit? Il dit toute personne qui a exagéré envers un prophète ou envers un homme pieux et qui lui a donné une partie de la divinité en lui offrant un acte d'adoration, en lui donnant une forme, en lui offrant une des formes de l'adoration qui n'appartient qu'à Allah, comme par exemple en disant Ô maître, et en lien Seigneur, nous sommes, c'est-à-dire quelqu'un qui s'adresse au Seigneur dit Ô maître, sauve-moi, ou viens-moi en secours, bien. Ou bien qui vient, qui dit Ô, donne-moi quelque chose en particulier. Si c'est par exemple quelqu'un qui a besoin, qui veut se marier, quelqu'un qui veut se marier, au lieu de demander à Allah, il va voir le saint, il dit au saint, qui est affecté dans la tombe, fais-moi trouver une épouse. Ou bien la femme, elle va voir, elle dit, je veux avoir un enfant, elle va voir le wali, ou le sayyid, elle dit au sayyid, y'a sayyid, yani, je veux un enfant. Elle demande des choses au sayyid, comme si lui, il a un pouvoir de l'exaucer, alors que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Alors le chef, il dit ça, il dit des exemples de ces paroles, des paroles de ce genre, tout ça c'est du shirk. Et tout ça, c'est de l'égarement. Et la personne qui le fait, qui a fait ces choses-là, on doit lui demander de se repentir. Il dit, s'il accepte de se repentir, c'est correct, il est musulman, on le laisse. Mais s'il refuse de se repentir, il doit être exécuté selon la loi islamique. Bien entendu, ça c'est dans un pays musulman où la charia est appliquée, et ça c'est une mission-là, une mission de Rida, c'est seulement le chef des musulmans qui a le droit de les appliquer. Personne en dehors, même. Quelqu'un qui n'a pas de société, il n'a pas le droit d'appliquer ces lois. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل الله سبحانه وتعالى أرسل أفضل المساجين. Ou le but pour lequel Allah a envoyé le messager, c'est uniquement justement pour que, et il a aussi la raison pour laquelle il a révélé les livres, c'est seulement pour qu'il soit adoré lui seul, uniquement, sans aucun partenaire. Et pour que personne d'autre soit adoré ou invoqué avec lui. C'est-à-dire, on doit adorer personne d'autre avec lui ou invoquer personne d'autre avec Allah. Et ceux qui invoquent, avec ceux qui invoquaient d'autres dieux, d'autres divinités en dehors d'Allah, comme par exemple Jésus, Sainte Marie, ou les anges, ou les idoles, eh bien, ils ne croyaient pas que ces idoles-là, ou ces Isa ou Al-Malak, les anges ou les idoles, ces gens-là ne croyaient pas que ces choses-là avaient créé la création, ou bien qu'ils avaient fait descendre la pluie, ou qu'ils avaient fait pousser les plantes. Mais ils prenaient seulement, ils les adoraient seulement, ou bien ils adoraient seulement leur tombeau, ou leur statue, ou leur image, seulement pour dire, comme Allah dit dans le Coran, pour qu'ils les rapprochent plus d'Allah. C'est-à-dire, ils les prenaient comme intermédiaires pour se rapprocher d'Allah. Et ils disaient, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Alors, Allah SWT a fait suppliquer des messagers pour interdire aux gens d'associer ou d'invoquer toute personne en dehors d'Allah. Que ce soit une adoration, que ce soit une invocation d'adoration ou une invocation de demander le secours. Tout ça, c'est interdit, donc c'est ça à aussi Allah. Donc ça, c'est ce que le Fils a dit, rahimah Allah. الشيخ الدنسير وبه يصدح كشف شبهة هؤلاء القبوريين الذين يصورون فعلهم هذا بأنهم لا يعتقدون في الأولياء مشاركة الله في القلب والرزق والإحياء والإماتة وإنما يعتقدون فيهم أنهم وسائط بينهم وبين الله في قضاء حاجتهم وتفريج كربتهم وهي نفس الشبهة التي قالها المشرك الجاهلية كما ذكرها الله في كتابه وأكبرها. والواقع أن الشرك هؤلاء المتأخرين زاد على شرك الجاهلية، فصاروا يحتفون بأسماء هؤلاء الأموات في كل مناسبة، ولا يذكرون اسم الله إلا قليلا، وإنما يجري على ألسنتهم اسم الولي دائما. والأولون كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة، كما قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله: كم هتفوا عند الشدائد باسمها، كما يهتف المضطر في الصمد الفردي. فيا علماء المسلمين، أنتم المسؤولون عن هذه القطعان الضائعة التائهة في الضلال، لماذا لا تبينون لهم طريق الحق وتنهونهم عن الشرك العظيم وعن هذا الشرك العظيم، وأنتم تسكتون معهم وتخالطون. طيب الشيخ يكتب في الله سبحانه وتعالى إلا غيرتي لحبينا بسي بسي زادر أبدا طوم Et ça, cet exemple-là, on l'a mentionné plusieurs fois ici sur ce cours, parce que le chef, à plusieurs reprises, il a expliqué ce que les idolâtres, ils ne croyaient pas que leurs idoles avaient le pouvoir de créer, ou de faire vivre, ou de faire mourir, ou de donner la subsistance, mais ils croyaient seulement qu'ils étaient des intercesseurs entre eux et Allah. Et Allah SWT a déclaré dans le Coran que ceux qui faisaient ça, c'était les mouchriquins. Donc Allah a rejeté ça, cet argument-là, en montrant que même les idolâtres de la Mecque, ils savaient que c'était seulement Allah le Créateur et non les idoles. Alors c'est comme, il le répète encore une fois pour l'expliquer. Et après, le chef il dit, le chef que les gens faisaient avant, eh bien, il le faisait uniquement lorsqu'ils étaient en grand danger. Mais lorsqu'ils étaient en temps normal, souvent, non. Ils faisaient seulement le shirk quand ils étaient en temps normal, yani quand il n'y avait pas de danger. Et quand il y avait un grand danger, là, ils adoraient Allah seul. Hein? Un grand danger, les mouchriquins, au temps du prophète, quand ils étaient sur la mer et puis ils avaient peur de. L'orage, alors là, ils adoraient Dieu seul. Mais quand ils arrivaient sur la terre ferme, quand tout était correct, là, ils adoraient les idoles. Mais les gens d'aujourd'hui, qui sont les chefs, que ce soit en temps normal ou en temps de danger ou autre, et bien ils appellent toujours leurs anglais ou les saints, etc. Et ils font le chien dans les temps de paix et dans les temps de facilité, dans les temps de difficulté, et les temps distingués. Donc le chien, ensuite de ça, il s'adresse aux savants de l'islam et il leur donne une sorte de, d'exhortation. Et il leur dit, pour vous les savants de l'islam, les savants des musulmans, vous êtes responsables de tout ce qui se passe actuellement parmi les musulmans. Lorsque vous voyez les musulmans qui sont en train de se perdre dans l'égarement, dans le chef et tout ça, et toutes ces choses-là, et vous ne leur clarifiez pas la vérité, alors que c'est votre responsabilité. Donc c'est comme si le chef il est en train de donner un nasiha aux autres savants du monde musulman. Il dit, vous les voyez, vous êtes avec eux, vous les voyez faire ces choses-là. Dites aux musulmans que ce qu'ils font, c'est pas correct. Rappelez-les au droit chemin. Alors. Et le chef il dit, pourquoi vous avez abandonné l'obligation que Allah vous a donnée d'appeler les gens à la vérité. Et il donne une aya dans le Coran qui dit « وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ » Ça c'est dans le sens Ali Imran. Et lorsque vous avez pris votre pacte ou votre serment avec Allah subhanahu wa ta'ala, que vous alliez expliquer aux gens que c'est Allah uni et que vous n'allez pas le cacher. Vous n'allez pas cacher ce que Allah vous a révélé ou a révélé au prophète, mais que vous avez acquis comme savoir. Ça, c'est dans Surat Al-Imran, verset 187. Il dit les prophètes, les savants sont les héritiers du prophète. Alors, il dit les ulama ont waratat l'anbiya, ou l'anbiya ja'u bi inkari hadh al-shirk wa jihad al-ahli. حتى يكون الدين كله لله فاتقوا الله الذي حملكم هذه المسؤولية وسيسألكم عنها فقد ورد في الحديث الصحيح أن العالم الذي لا يعمل بعلمه من أول من تسعر به النار يوم القيامة فإن كنتم ترون هذا شركا وتركتم الناس عليه فالأمر خطير وإن كنتم لا ترونه شركا فالأمر أشد خطرا لأنكم جهلتم ما هو من أوضح الواضحات اللهم أصلح أحوال المسلمين واهد ضلالهم إلا لهم إنك على كل شيء قدير مثل شيخ الدين نفاق لتران صار لذلك الفقر et que les prophètes sont venus pour clarifier aux gens et dénoncer le shirk et pour combattre les gens qui commettent le shirk et pour que la religion soit entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala seul, à lui seul. Alors craignez Allah celui qui vous a donné cette responsabilité et qui va vous demander des comptes pour cette responsabilité. Et c'est rapporté dans le hadith Bahir que le savant qui n'a pas agi selon sa connaissance sera parmi les premières personnes à entrer dans le feu de l'enfer au jugement dernier. Alors si vous voyez que ce que les gens là font, c'est du chien, et que vous laissez faire, alors ça c'est une chose qui est très dangereuse. Mais si vous pensez que ce qu'ils font c'est pas du shirk, alors là c'est ce qui est encore plus dangereux. Parce que là vous avez ignoré ce qui est une des choses les plus claires dans l'islam. Après ils diront Allah, ils répondent ou corrigent la situation des musulmans et guident parmi eux ceux qui sont égarés et que capable de tout, d'aller faire le pouvoir sur quelque chose. Après, le chef, il mentionne un autre point, c'est le point numéro 10, des choses qui peuvent amener les gens au chef, et c'est à s'offrir, voici la somme de la chef, les images et les statues, les images et les photos. Bon. Donc le chef il dit « والتصوير معناه نقل شكل الشيء وهيئته نقل شكل الشيء وهيئته بواسطة الرحل أو الالتقاط بآلة أو بالآلة أو النحو وإثبات الشكل وإثبات هذا الشكل على لوحة أو ورقة أو تمثال وكان العلماء يتعرضون للتصوير في مواضع العقيدة لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك وادعاء المشاركة لله بالخلق أو المحاولة لذلك وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير وإنما أقدم قوم نوح على تصوير الصالحين ونصب صورهم على المجالس وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التصوير بجميع أنواعه ونهى عنه وتواعد من فعله بأشد الوعيد وأمر بصمت الصور وتغييرها لأن التصوير فيه مضاهة لخلق الله عز وجل الذي طرد بالخلق فهذا الإنسان المصور يحاول أن يضاهي الله عز وجل بمن طرد به من الخلق لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك فأول حدوث الشرك في الأرض كان بسبب التصوير لما زين الشيطان لقوم نوح التصوير الصالحين ونصب صورهم على المجالس لأجل تذكر أحوالهم والاقتداء بهم في العبادة حتى آل الأمر إلى عبادة تلك الصور واعتقاد أنها تنفع وتضر من دون الله. الشيخ يستيق منا la signification de التصوير. En arabe, التصوير, on peut le traduire comme la façon dont il l'a traduit maintenant, on va comprendre ce que ça signifie. Mais là, la façon qu'il en parle, c'est comme on peut dire que c'est les images, les photos, les statues et tout ce qui comprend ces choses-là. On va donner un exemple de l'explication que le chef a donné du mot تصوير. Il dit, c'est de prendre la forme d'une chose, ou son apparence, sa forme, et de la reproduire, soit par dessin, soit en prenant une photo avec un instrument, comme une caméra ou autre, ou en le sculptant, c'est-à-dire une sculpture de cette chose. Donc on parle des sculptures des êtres vivants, comme les animaux, et les êtres humains, des choses qui ont une âme. D'accord? Après, le chef, il dit, et de reproduire cette forme sur une plaque, ou sur une feuille, ou dans une statue. Et il dit, les savants de l'islam, ils parlent toujours de ce sujet dans le contexte de la croyance islamique. C'est-à-dire le sujet des images, des photos, les savants en parlent toujours dans le contexte de l'aqida, de la croyance islamique. Pourquoi? Parce que de faire des images, c'est un des moyens pour amener les gens à l'idolâtrie. Et aussi pour prétendre vouloir compétitionner ou imiter la création d'Allah. Et le premier chef, ou la première forme de chef qui est apparue parmi les êtres humains, est apparue à cause des images et des statues. C'est apparu à l'époque de Noé, lorsque les gens ont voulu faire les images des personnages qui étaient vertueux parmi eux et d'afficher leurs statues là où les gens se rassemblaient, sur les places publiques. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti les gens contre toutes les formes d'images et de reproduction et d'être. Et il a interdit toutes les formes et il a menacé ceux qui les faisaient de la plus grande menace. Et il a ordonné aux musulmans de détruire toute image et de la déformer. Pourquoi? Parce que de faire des images est une forme d'imitation de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui crée. Et après, il dit, alors la personne qui essaie de reproduire en faisant une image, eh bien, elle essaie d'imiter la création d'Allah, alors que c'est une des caractéristiques ou c'est une des attributs qui est uniquement à Allah. Et de faire des images, c'est un des moyens qui amène au chiffre, comme on l'a dit tout à l'heure, et comme il explique encore une fois, c'est comme ça que le chiffre est apparu sur la terre. Lorsque le shaitan a embelli aux hommes dans les différentes histoires, le shaitan a embelli au peuple de Noé de faire des images des gens vertueux et de poser leur statut là où ils se rattendent, et dans le but de se rappeler de leur piété et dans le but de les prendre comme exemple dans l'adoration, parce que c'était des gens qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Alors, comme nous qui voulaient les prendre comme des exemples dans l'adoration, ils ont commencé à faire leurs images pour se souvenir d'eux. Mais à la fin, ils ont oublié. Les gens, beaucoup de gens ont oublié après quelques générations et les gens ont commencé à les prendre comme des intermédiaires avec Allah subhanahu wa ta'ala et à leur offrir de l'adoration. Alors, ensuite, le chef dit pas تصوير هنا منشأ وثنية لأن تصوير المخلوق تعظيم له وتعلق به في الغالب خصوصا إذا كان المصور له شأن من سلطة أو علم أو صلاح وخصوصا إذا عظمت الصورة بنصبها على الحائط أو على حائط أو إقامتها في شارع أو ميدان فإن ذلك يؤدي إلى التعلق بها من الجهال وأهل الضلال ولو بعد حين ثم هذا أيضا فيه فتح باب لنصب الأصنام والتماثيل التي تعبد من دون الله Donc le chef il dit, donc on voit que faire des images, c'est de cette façon que l'idolâtrie a commencé. Et lorsqu'on fait l'image de quelqu'un, c'est une façon de le glorifier aussi. Et d'accrocher notre cœur à cette chose, à cette personne en général. Et quand on met la photo de quelqu'un quelque part, c'est parce qu'on aime cette personne, c'est parce qu'on veut exalter cette personne, ou on respecte cette personne bien. Et quand on met son image, bien, notre cœur s'accroche à son image. Et il dit, surtout si cette personne a un statut dans la société, soit que cette personne a une autorité, comme par exemple les dirigeants. Dans plusieurs pays musulmans, les dirigeants exposent leurs photos partout, dans les bureaux, dans les rues même, partout, on retrouve des images des personnes qui dirigent. Et ça, c'est une forme d'exaltation qu'ils font, c'est comme pour montrer le respect envers l'image. Et donc ça, c'est une forme de choses qui nous explique aussi pourquoi c'est interdit. Ça amène les gens à tomber dans l'exagération au sujet de ces personnes-là. Donc, alors, si ça atteint un âme, un héros, c'est correct. Mais si on parle des animaux, des peintures, ou des sculptures, ou des dessins, ou des photos, des personnes qui ont un âme, des êtres humains, hein, ça c'est de ça qu'on parle maintenant. Si les jouets, les enfants aussi, parce que souvent ça a des formes. C'est à nous. On va revenir là-dessus, Charles. Dans ce contexte-là, que le chef parle, c'est très clair que de reproduire quelque chose dans un âme, on explique que c'est haram. Et là, on était rendu à l'explication que de faire des photos d'une personne qui a un pouvoir soit ce que cela appelle un pouvoir politique, ou une science, hein, quelqu'un qui reconnaît sa science, son ilmi dans l'islam, comme les savants, les ulama, hein. Il y en a aussi qui ont des photos de leur chef, parmi les soufis, il y en a qui se promènent avec les photos de leur chef, soit dans leur portefeuille, soit dans leur cou ou des autres. Ils se promènent avec cette photo pour exalter leur chef. D'autres aussi se promènent avec des photos des personnes pieuses ou d'autres, de ce genre. Et donc, ça, c'est encore plus dangereux lorsque ces personnes-là sont célèbres. Aussi, on voit le mal avec les vedettes, que ce soit les vedettes de musique ou les vedettes de cinéma. Les gens prennent ces vedettes comme des. Il y en a presque des idoles, il y en a qui les adorent, il y en a qui les prennent comme des exemples, et qui font tout ce qu'ils font. Ils s'habillent comme eux, ils essaient de leur ressembler, ils essaient de porter le même style de vêtements et de parler, d'agir comme eux. Donc ça rend aussi, ça nous montre aussi le danger de ces images, de ces choses-là. Les magazines de mode. Magazine de musique, ces magazines-là, avec des images dans des photos qui nous reproduisent les vedettes, les choses comme ça. Donc, ça aussi, ça peut nous faire tomber dans beaucoup de choses dangereuses comme ça. Après, sans parler des photos des choses haram, ça c'est encore pire aussi. Et le chef, il dit, فإن ذلك يؤدي إلى التعلق بها من الجهال وأهل الضلال. يعني ça va faire que les gens qui sont ignorants, qui ont un égarement dans le cœur, ben ils vont accrocher le cœur à ces choses-là. Et même si c'est pas immédiatement, certaines personnes peuvent dire, nous on fait des images, mais c'est pas pour les adorer, c'est pas pour faire le shirk, et on sait que c'est pas des dieux ou c'est pas des choses comme ça. Mais avec le temps, on sait jamais où ces choses-là peuvent amener les gens. Vous avez du sens parce que ma mère, elle a beaucoup d'albums photos. Elle prend des photos, c'est pour, montrer. Pour se rappeler, se souvenir. Montrer à ses petits-enfants, comment était la famille pour qu'on ne puisse pas se perdre un peu. Ça rentre dans la même catégorie. Le chef, il a mentionné justement ça dans le partage de notre passage à l'autre page. Il a parlé de ça justement. Mais on va expliquer juste les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne l'interdiction des photos. Donc, le chef, il a dit الأحاديث الصحيحة والصريحة في هذا الموضوع مع التعليق عليها بما سيذكر. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليسلق شعيرة. أخرجه البخاري ومسلم. ومعناه لا أحد أشد ظلما من المصور، لأنه لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله من إنسان أو بهيمة أو غيرهما من ذواحي الأرواح، صار مضاهيا لخلق الله الذي هو خالق كل شيء وهو رب كل شيء وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها حياتها، كما قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، وقال تعالى وهو الله الخالق المصور البارئ المصور، ثم إن الله تحدى هؤلاء المصورين الذين يحاولون مضاعفة خلقه أن يوجدوا في تلك الصور التي صوروها أرواحا تحيا بها كما في المخلوق الذي صوروا، وهذا بيان لعجزهم وفشلهم في محاولتهم، كما أنهم عاجزون عن إيجاد حيوان ذي روح، فهم عاجزون عن إيجاد الثمر والحب فليخلقوا حبة. يعني donc le premier hadith qu'il a mentionné, c'est le hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit un hadith qudsi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: qui est plus injuste que celui qui va essayer de créer ce que moi je crée, alors qu'il essaie de créer une graine, yani, ou une graine quelconque, yani, une graine de blé ou une graine de nôtre. Yani, il donne des exemples, mais juste pour dire que c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala défie ces personnes qui font des images ou des statues ou des choses comme ça. Il les défie d'essayer de créer quoi que ce soit. Et donc le chef, il dit, après il dit un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et il dit la signification de ce hadith, c'est que personne n'est plus injuste que la personne qui fait des images ou qui essaie de reproduire des images. Parce qu'il était. Lorsqu'il a fait une image de quelque chose qui a, que Allah a créé, que ce soit un être humain ou un animal, ou quelque chose d'autre parmi les choses qui ont une âme, alors il a essayé d'imiter la création d'Allah. Alors que c'est lui Allah qui a tout créé, et c'est lui le Seigneur de tout, c'est lui le maître de tout, et c'est lui qui a tout décliné les créatures, et qui a mis l'âme à l'intérieur des êtres vivants. Lorsque Allah a dit dans le Coran, celui qui a créé les cieux et la terre en vérité et qui vous a dessiné, yani Allah, c'est lui qui vous a dessiné et qui a fait votre forme belle, il vous a formé et il a bien fait votre forme. Il a fait votre forme de la meilleure façon. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: هو الله الخالق البارئ المصور. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, celui qui crée à partir de rien, c'est lui qui donne la forme aux choses. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala donne un défi à ceux-là, qui sont des images, d'essayer de limiter la création d'Allah, c'est-à-dire d'essayer de leur donner la vie. Et donc penser que personne n'est capable de donner la vie à quoi que ce soit, même pas de créer une mouche, même pas de créer une graine. Donc c'est comme ça que Allah montre que personne ne peut imiter sa création. Donc si on n'est pas capable, donc on doit s'abstenir et essayer. Et un autre hadith, le deuxième hadith, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Alors Al-Bukhari Muslim عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بشدة عذاب المصورين يوم القيامة وسوء عاقبتهم، وإن عاشوا في هذه الدنيا سالمين وصموا ثمانين وشجعوا أو شجعوا بأنواع التشجيع، فإن لهم مصيرا ينتظرهم إذا لم يتوبوا، لأنهم بعملهم هذا يضاهون بخلق الله، أي يشابهون بما يصنعونه من الصور ما صنعه الله من الخلق وتفرد به وهو الخلاق العليم. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Le deuxième hadith que le chef a mentionné, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim encore, selon Aïcha رضي الله عنها, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: la personne qui aura le plus dur châtiment au jugement dernier, c'est la personne qui imite la création d'Allah. Et il a expliqué que le prophète a averti les gens qui font les dessins et les images qu'au jugement dernier, ils auront un dur châtiment même si dans cette vie ils ont vécu en paix et ils n'ont pas eu de danger dans cette vie et qu'on les a appelés des artistes, comme on les appelle aujourd'hui, les gens qui font des statues ou des peintures ou des images des gens qui vivent, on les appelle des artistes et que les gens les encouragent à faire ça, mais on sait que le châtiment qui les attend au jugement dernier, c'est un plus grand châtiment. Châtiment parce qu'ils ont essayé d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont essayé de reproduire les formes des choses que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à pouvoir créer. Et il a mentionné un hadith, un verset dans le Coran, le verset 16 dans Surat Ar-Ra'd. Et vous pouvez aller le vérifier parce que je ne me souviens plus de la traduction actuellement. Mais après, il a mentionné la parole de l'imam al-Nawawi, dans lequel il dit « قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث قيل هذا محمول على صانع الصورة للتعبد وهذا وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشد الناس عذابا وقيل هو في من قصد هذا المعنى الذي في الحديث من مضاعفه خلقه واعتقد ذلك فهذا كافر أيضا وله من شدة العذاب ما للكافر ويزيد عذابه بزيادة كفره أما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاعفة فهو فاسق صاحب ذنب كبير لا يكفر. Donc, l'explication de l'imam al-Nawawi sur ce hadith, c'est que ce hadith-là est au sujet de la personne qui a fait des images dans le but de les adorer. Comme par exemple, la personne qui construit ou qui fabrique des idoles. Celui-là, il est kafir. Ou l'autre personne qui a fait des images, des photos ou des images, dans le but d'imiter la création d'Allah. Celui-là aussi, il est kafir. Et il aura la punition, la future punition en jugement dernier, selon son niveau de l'expérience. Et l'autre personne qui a fait des photos, ou des images, ou des statues, ou des choses comme ça, mais qu'il n'a pas eu l'intention de les adorer, et qu'il n'a pas non plus eu l'intention d'imiter la création d'Allah, alors celui-là, c'est seulement un désobéissant, un musulman désobéissant, un pécheur. Il n'est pas un créateur, mais il a fait un grand péché. Donc ça, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis Inch'Allah, on continuera la semaine prochaine avec les autres explications. Merci. الله أكبر الله أكبر.